Bonjour à tous, vous écoutez le podcast numéro 7 dédié à l'Euro 2016 de football, c'est le dernier podcast et on va parler bien sûr de la finale Portugal-France qui s'était terminée par 1-0 pour le Portugal. Avec nous on a Guigui le vainqueur, salut Guigui. Salut. Et on a toute une bande de losers avec Max, salut Max. Salut. On a Ferdier. Oui. Escape. Salut. Et donc c'est Steven à la présentation évidemment. Donc on va faire un retour sur Portugal-France, 1-0, but de Eder à la 109e minute pardon. Donc c'est en prolongation. Voilà, la note du match sur le forum a été donnée, c'est 4,15 en moyenne. Pour le Portugal c'est 4,61 et la France 3,93. On va commencer par Guigui, donc ton impression sur le match et sur l'équipe du Portugal en règle générale. Le match ennuyant, faut pas se le cacher. Il y a pas eu grand chose en première mi-temps, ça a été assez fermé à part une frappe, je crois, de Sissoko de Pogba ou Patricio l'arrête. Il y a eu la tête de notre ami Griezmann où Patricio fait un arrêt assez incroyable mine de rien. Sinon côté portugais, il y a rien à se mettre sous la dent sauf la blessure de Ronaldo. En deuxième période, on est reparti sur les mêmes bases que la première. Une grosse possession de la France, une grosse domination aussi. Un poteau d'Ignac. Et puis après, Portugal a fait ce qu'il a fait depuis le début de l'Euro, c'est-à-dire faire déjouer ses adversaires, à part en phase de groupe, où on avait, comme avait dit Oshi lors de l'avant-dernier podcast, on pratiquait un jeu, on voulait avoir la possession de la balle, faire du beau jeu, et ça ne fonctionnait pas, on n'a pas les joueurs pour, bien qu'on va lui dire le contraire, mais on n'a pas les joueurs pour, ou en tout cas pas la tactique pour. Puis arrivé en prolongation, on a failli s'en prendre encore une fois, faut pas se le cacher. On marque un but où la défense de la France est pour moi complètement à la ramasse, on aura beau dire que Koscielny avait le jaune en tête. Mais pour moi, c'est vraiment à la ramasse complet. Matuidi est derrière, alors qu'il aurait pu être aussi au marquage. Umtiti est à 3 mètres de Eder. Il n'y a personne qui met le pied devant, il n'y a rien. Enfin, pour moi, c'est un gros manque côté français sur ce point-là. Pour faire un résumé du Portugal sur toute la compétition, ça a été, on va dire, ça a été chiant à voir. On ne va pas se le mentir, hein. Je crois que tout le monde est d'accord. Non? Ah si. Il y a quand même l'un des meilleurs matchs de la compétition pour moi, c'est Hongrie-Portugal, parce que les défenses étaient complètement déverrouillées. Ouais, c'était un match fou, on va dire, ouais, parce qu'on avait l'obligation de gagner entre guillemets, puis si on voulait se qualifier correctement. Mais sinon, à part ce match-là, ça a été vraiment ennuyant. Moi, je l'avoue, ça a été ennuyant à voir. Après, on a eu la force de faire déjouer les adversaires. On a vu la Croatie qui a fait un match de fou contre l'Espagne, contre nous, n'a rien fait. On a vu la Pologne contre l'Allemagne rivaliser correctement et puis même était sur le point de gagner le match et contre nous a complètement déjoué et après leur but a passé son temps à perdre du temps ou à défendre. Voilà quoi, efficacité, de la chance, il en faut, et puis au final ça fait victoire quoi. Et tu parlais de la possession française, j'ai l'impression que, je sais pas si tu partages mon avis, sur la deuxième mi-temps, il y a eu, au fil du match en fait, le Portugal a un peu pris confiance et a réduit l'écart en termes de possession d'abord, puis a su limiter un peu les offensives françaises. Je sais pas si t'as ce sentiment ou... Si, un petit peu, mais mine de rien, quand l'équipe de France arrivait devant, c'était tout de suite assez dangereux. On a vu Sissoko qui a déboulé sur son côté, c'était monstrueux. À chaque fois, c'était limite dangereux. On a vu Griezmann qui s'est pas mal quand même amusé au milieu de la défense. Hein. Payet a été décevant pour ma part. Je l'ai pas trouvé très très bon. Je pense que c'est plus un joueur qui rentre en cours de match comme a pu le faire Quaresma et peut faire la différence. Mais titulaire d'entrée de jeu, les deux matchs où je l'ai vu titulaire, je l'ai pas vu si énorme que ça. En fait. Alors en attendant de retrouver Guigui, on va donner la parole à Max pour donner un peu son avis sur le match et sur l'équipe de France notamment. Sur le match, franchement, on a eu la possession et finalement, je sais pas si c'est pas ça qui nous a perdu finalement parce qu'on s'est empêtré totalement dans la défense des Portugais. Alors oui, on a eu quelques occasions, oui, c'est vrai. Griezmann, s'il met sa tête, ça fait du bien, voilà. Mais comparé par rapport à l'Allemagne, on défendait très bien et offensivement et en contre, on partait très bien et on leur a fait mal comme ça. Et contre les Portugais, malheureusement, on s'est empêtré dans leur défense et on n'a jamais vraiment réussi à les à part sur la tête de Griezmann et sur le poteau de Gignac, on a vraiment eu du mal à les mettre en danger, quoi. Ah, Sissoko, il a fait quand même pas mal d'actions, quoi. C'est lui qui perçait souvent, donc il a réussi un petit peu à apporter sa vitesse et sa percussion. Ouais, après... mais après les autres, voilà, ils ont eu un peu de mal, quoi. Griezmann, on a pas mal. Giroud, c'est pareil. Payet, c'est pareil aussi. Enfin, voilà, quoi. On a vraiment eu du mal à les voir. En fait, je pense que à partir de la phase à élimination directe, je pense que tout le monde prenait de trop le Portugal, en fait, et nous on a fait la même erreur, et puis on était trop confiants, et puis bah, comme chaque équipe qui a affronté le Portugal jusqu'à la finale, au final bah, tout le monde s'en est mangé les doigts, quoi, donc ouais. Bah, ça me rappelle bah, il y a 12 ans, quoi, hein. La Grèce, tout le monde la prenait de haut et elle a fini par niquer tout le monde, quoi. C'est la même chose, hein. Tout le monde disait ouais, la Grèce on va les taper machin et tout, et voilà, quoi. Et même le Portugal en finale il y a 12 ans, on disait ouais, les Grecs on va les battre, et finalement bah ils se sont fait taper deux fois par les Grecs, quoi. Oh, bah c'est sûr. Après, sur le match, c'est on a vraiment eu un manque de finition, je trouve. Malgré la première tête de Griezmann, Rui Patricio fait un arrêt magnifique. Par contre, la deuxième, il doit, pour moi, il la cadre même pas, et c'est une grosse erreur. Après, il y a Gignac qui aurait peut-être pu finir le truc, mais bon, Rui Patricio sort bien dessus, et je suis pas sûr que s'il cadre le ballon, Rui Patricio, je pense qu'il la touche quand même. Mais on a quand même eu un manque d'efficacité devant, et pour moi Giroud il a fait une très mauvaise finale, et il n'était pas là où il fallait dans la surface. Il a manqué ses déplacements, et c'est ce qui nous a coûté la finale, je pense. Il y a eu un petit débat sur le forum que j'ai un peu lancé juste après la finale. Moi j'ai l'impression que la France a trop calculé, a joué le match pour ne pas le perdre plus que pour le gagner. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le match qu'il fallait ou qu'il manquait, comme je pense, vraiment une volonté de mettre du rythme et... Moi je pense que ouais, il manquait quelque chose, quoi. On a, comme tu dis, ouais, c'est plus on voulait surtout pas perdre, et puis en fait ça a fait le jeu du Portugal, et puis nous on s'est chié dessus, mais on n'a pas réussi à être suffisamment offensif, on va dire, même si on a 7 tirs cadrés et tout ça, c'est bien beau, mais on a rarement mis Rui Patricio en grand danger, on va dire, sauf sans les 3 actions. Mais à part ça, comme tu dis, c'est plus un match à ne pas perdre qu'un match à gagner qu'ils ont fait. Ouais, ça m'a beaucoup déçu, notamment en deuxième mi-temps, en prolongation, on n'a pas du tout joué, en fait. On s'est réveillé juste après le but, mais c'était trop tard. Et ouais, j'ai l'impression qu'on a trop calculé, qu'on a... Bah justement, tu vois, on disait tout à l'heure que tout le monde avait un peu sous-estimé le Portugal. Et j'ai l'impression que Deschamps l'a un peu surestimé. Je veux dire par là qu'on a trop calculé, Pogba, Matuidi n'avaient pas le droit de dépasser la ligne médiane. Alors qu'en se lâchant un peu plus, on aurait vraiment bousculé cette équipe. Comme en début de match où on a plutôt bien joué, on a démarré avec du rythme. Et bon, le problème de Ronaldo, tout ça, c'est un peu cassé le tempo, et on n'a pas du tout réussi à se remettre dedans après. Il y avait que Sissoko qui cassait les lignes, qui faisait quelque chose. Ah ouais. Ouais, sinon j'ai été très déçu, moi, mais... Après le problème de Ronaldo, finalement, je pense que ça nous a fait beaucoup de mal, mais ça a surtout fait beaucoup de bien au Portugais, quoi. Ils se sont totalement lâchés, et nous, ça nous a totalement inhibé, quoi. Clairement. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'après. C'est qui rentre à la place de Cristiano? Quaresma. Ah, c'est Quaresma. Ouais, non, bah alors non, je trouve pas. Moi, c'est plus vraiment. Enfin, on n'a pas vraiment souffert, ou ça nous a pas forcément désorganisé. Je pense que c'est surtout l'entrée de. C'est con à dire, mais l'entrée d'Eder, quoi. Quand tu dis que l'entrée d'Eder te fragilise ton groupe. Tout juste, ils ont été plus tranchants en attaque. Lui qui provoque un coup franc. Bon, même si en théorie il n'y avait pas coup franc, mais ouais, il amène le but, il provoque des coups francs. Ça a tout de suite déstabilisé la défense. Et dans un match fermé, c'est le joueur de joueur qui fait quelque chose. Mais surtout il était en point d'appui en attaque, et puis il prenait tout le monde de physique, quoi. Il se baladait sur toute notre défense, les quatre. Il n'y en a aucun qui lui prenait un ballon. Il protégeait ses ballons, il faisait des déviations de la tête, tout ce que tu veux. Et il était tout seul. On avait quatre défenseurs qui servaient à rien sur lui, en fait. Pourtant, sur le but, clairement, c'est clairement un manque de concentration et de marquage, quoi. Bon, il a aussi de la chatte de marquer, parce que franchement, pour la mettre de là, voilà, quoi. Mais Umtiti est trop loin, Matuidi est pas là non plus, enfin, Koscielny non plus, Sagna, il est pas là non plus, enfin, t'as aucun mec qui monte sur lui, il a tout le temps pour vraiment bien ajuster sa frappe, quoi. Ah ouais, justement, c'est pas, s'il a autant de temps, je pense que c'est plus qu'une erreur de concentration, c'est vraiment, il y a trop d'erreurs liées, qui s'enchaînent les unes aux autres. T'as Sagna qui est pas foutu de faire rentrer une touche. Ensuite, il la refait, il la rate, comme je sais pas quoi, le ballon part trop en l'air. Après, ils sont quatre au moment où Koscielny, il se fait bouger comme, comme un malpropre par Eder. Ils sont 4 autour d'Eder, il n'y en a aucun qui va dessus. Koscielny, juste parce qu'il s'est fait décaler de 1 mètre, il lâche le marquage. Même, comment il s'appelle, Umtiti, alors lui, il le regarde, il lui laisse le champ, il n'arrête pas de reculer. Je sais plus, je crois que ça doit être Matuidi Pogba qui sont juste à côté de lui. Il n'y en a aucun qui essaye de redescendre pour mettre un minimum de pressing. Le mec, il met une frappe. Même Lloris, pour moi, il voit qu'il n'y a personne. Il est trop collé à sa ligne, quoi. Il doit s'avancer d'angle de pas pour réduire l'angle. Et même ça, il ne le fait pas. Et l'autre, il met une frappe de 24 mètres, je crois. C'est pas normal, quoi. C'est plus que des erreurs de concentration pour moi. C'est vraiment tactique. Et le pire, c'est que ça rejoint un peu l'impression qu'on a eue sur cette prolongation où on n'était pas agressif du tout, pas concentré, on l'a pas joué en fait. Quoi. Ah bah ouais, clairement, l'agressivité elle était pas là quoi. On a joué 90 minutes, malheureusement le match s'est joué sur 120 quoi, c'est le problème. Hein. Parce que même en deuxième période, même on n'est pas si mal que ça quoi finalement. Et bon bah, tu dis que si Gignac, si la frappe va au fond, c'est fini. Enfin, mais après, je sais pas si justement le poteau de Gignac a pas un petit peu fait de mal aussi, parce que en prolongation les mecs ils étaient plus du tout quoi. Ils étaient complètement ailleurs quoi. Et d'après vous, c'était le calcul pour aller jusqu'au penalty, ou on essayait d'attendre justement une occasion à la Gignac qui vient un peu de nulle part pour faire la différence? Moi je sais pas, j'arrive pas à savoir comment on a. Moi je vois plus. Moi bizarrement, je vois plus le calcul des pénaux bizarrement. Je vois plus vraiment que ça a été, enfin que peut-être ils ont calculé pour aller jusqu'au pénaux. Justement à la 110e, tu te dis bon, il reste 10 minutes, on va aller au pénaux et là bon. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'ils ont vraiment calculé pour aller jusqu'au pénaux. Enfin les Français ont calculé pour aller jusqu'au pénaux, alors que les Portugais eux avaient l'expérience de deux prolonges, je crois déjà. Et donc forcément ils avaient plus l'habitude et ils ont fait comme contre la Croatie, le moindre coup qu'ils avaient à jouer en contre, ils l'ont pris, ça a fini au fond et voilà, ils ont terminé le match quoi. Mais d'ailleurs avant le but, c'est Kanté non qui devait rentrer à la place de Martial, il me semble. Pas Martial, mais à la Martial, place non. De... Non, mais c'est Martial qui rentre, mais à normalement, ah oui, c'est... Okay, ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça pourrait... Il voulait fermer le jeu, quoi, aller jusqu'au pénal. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'il voulait faire sortir Sissoko, qui était totalement cuit. En même temps, le mec, il s'est dépouillé comme un fou pendant 110 minutes, quoi. Comme un taré, quoi. Comme je l'ai dit sur plusieurs podcasts, Sissoko, c'est quand même le mec qui, à chaque fois qu'il est sélectionné, tout le monde gueule parce qu'il est sélectionné. Mais à chaque fois qu'il joue, il est énorme, quoi. Enfin... Surtout en plus tu fais jouer un poste qui est pas vraiment le sien quoi, milieu droit c'est pas du tout son poste quoi, et le gars il a été énorme à chaque fois qu'il a joué quoi. En 2-3 ans j'ai pas trouvé fantastique, mais sur cet euro rien à dire, quand il a été titulaire contre la Suisse ça a été très bon, et depuis l'Allemagne, non même avant contre l'Islande, non vraiment rien à dire, mais avant c'est vrai que bon les critiques pouvaient un petit peu se justifier quoi. Même si c'est un homme de devoir qui était un très bon remplaçant. D'ailleurs, à ce sujet, je trouve que Gignac en joker en pointe, c'est pas terrible. Très nul même. Faut dire ce qu'il est, depuis le début, il a rien apporté. Hein. À chaque fois qu'il est rentré, tu sens que le mec, il est pas à ce niveau. C'est bête quand tu penses qu'on aurait pu avoir d'autres mecs à sa place, mais bon. Ouais, je pense à Gignac, c'est un mec qui a besoin de temps de jeu sur un match, déjà pour rentrer dans son match, mais en plus sur une compétition pour donner vraiment ce qu'il a. Et sur 10-15 minutes, c'est pas du tout son style de jeu quoi. Il y a des joueurs qui sont mieux faits pour être des jokers à mon avis que Gignac, c'est un jeu à l'usure, donc ouais, lui le faire rentrer en fin de match ça sert pas à grand chose quoi. À la limite j'aurais préféré un Gamero comme Oshi le disait au début de la sélection. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on faisait jamais jouer Martial à sa place. Parce qu'il le préférait sur un côté, Martial. C'est pour ça qu'il voulait pas le mettre devant, en fait. C'est-à-dire que le problème, c'est que deux joueurs de. Enfin, si on t'enlève Martial, t'as que trois joueurs de côté. Donc ça... Ah, Martial, pour jouer neuf. Hein, ouais. Après, à Manchester, il joue sur un côté et il se débrouille plutôt pas mal. Il joue à gauche et il se débrouille plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, après, ouais, il a voulu mettre Gignac en numéro 2, mais ouais, ça l'a. Ouais, dans ce rôle-là, il est pas bon, quoi. Faut qu'il soit titulaire, parce que sinon... Voilà, pour la finale, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Je préfère dire comment t'as vécu le match. T'étais dans la fan zone, non, de Marseille, je crois. Non, ça, c'était pour le quart de finale, ça. Ah, d'accord. T'étais avec son chien, ouais. Non, on était une quinzaine chez moi. La soirée s'est écourtée assez vite, mais... c'était dur, surtout que c'est sûrement l'un des matchs où on était le plus confiant, je pense, depuis le début de l'Euro. Et trop confiant, même. Ouais, voilà, c'est ça, ça nous a fait déjouer, quoi. C'est... c'est dommage parce qu'on a, voilà, tu as, comme disait, je sais plus, je crois que c'est Charlie qui disait, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé quelque chose à vivre, mais voilà, c'est dur et il faut faire avec, quoi. Mais bon. Après, moi, clairement, c'est vrai que bon, sur cette finale, c'est décevant, comme tu dis, on a peut-être enlevé quelque chose à vivre, mais je pense que, enfin, cette équipe-là, elle est prometteuse pour l'avenir, quand même. Il y avait quand même pas mal de jeunes dans cette équipe et je pense que pour les années à venir, on a quand même une équipe, je pense, qui a pas mal de potentiel, je trouve. Ouais, mais si tu regardes, il y a plusieurs autres équipes qui sont dans le même cas que nous, quoi. Mais bon, après, on est l'une des favorites, je pense, pour la Coupe du Monde si on continue sur cette lancée. Ouais, je pense, ouais, clairement, ouais. Mais, enfin, voilà, faut se qualifier. Je sais plus, c'est quoi notre groupe pour le. Pays-Bas, Suède, Bulgarie et après les deux autres, je sais plus, mais c'est des équipes vraiment pourries. Donc, Ouais, de toute façon, la Suède, il n'y a plus Ibra, non, maintenant, de toute façon. Donc c'est... Non, mais voilà, il n'y a plus Ibra. Ah, les, voilà, Pays-Bas, les Pays-Bas, il va falloir voir comment ils vont se relever de leur. Puis pareil, ils ont pas mal de vieux, non, les Pays-Bas, maintenant. Ah, ouais, et leurs jeunes, c'est des Rekiks, donc bon. Ouais, voilà. Non, ça devrait, normalement, ça devrait aller sans souci, mais bon. Ah, ouais, à part peut-être le Portugal, pas le Portugal, les Pays-Bas à se méfier, mais sinon. Après, sinon, il y a la Biélorussie et le Luxembourg. Si tu gagnes pas ces deux matchs-là, pour ces deux équipes-là, c'est ouf. Et Guigui, d'ailleurs, au niveau du Portugal, comment tu vois les deux années à venir en termes de génération de... C'est une équipe qui est à peu près dans la fleur de l'âge, non ? Il y a une belle génération qui arrive derrière. Peut-être un peu trop tendre d'ici deux ans à voir, mais j'aimerais bien voir déjà Bernardo Silva. Ce serait bien une bonne alternative à João Moutinho ou bien même à. Comment il s'appelle ? L'autre tocard, Adrien Silva. C'est une victime, lui, un peu, non ? J'ai vu le truc sur le banc, là. Ouais, c'est bien mon jam. C'est lui qui s'est tapé dessus ? C'est ça. Sinon, ouais, non, il y a une belle génération qui arrive. Peut-être un peu trop tendre pour 2018, je pense. On partira sur quasiment les mêmes bases qu'on a vues à l'Euro, là. D'ici 4 ans, on pourra peut-être voir des petits jeunes qui commencent à éclore et qui sont pas mauvais. On aura plus Ronaldo, non, dans 4 ans ? Ronaldo, je pense que, pour moi, en tout cas, il fera la Coupe du Monde et il s'arrêtera là. Parce que ça le fera 35, je crois, en 2020, je crois. Ouais, pour moi, il fera la Coupe du Monde et il s'arrêtera sur la Coupe du Monde. Il voulait son titre, il l'a eu. Maintenant, je pense que c'est que du bonus. Après, franchement, si vous ne qualifiez pas pour la Coupe du Monde, vu le groupe que vous avez. Bah, si on a un sélectionneur qui continue à mettre les joueurs pas à leur poste, ça risque de finir comme ça. Hein. Ça dépend. Si on fait que des matchs nuls, on peut être qualifié Je ne crois pas. Parce que bon, Andorre, Lettonie, Suisse, Île-Féroé, Hongrie. Ouais, c'est sûr, c'est accessible comme groupe. Hein. Je ne dis pas le contraire, mais. Quand tu vois le milieu de terrain au Portugal, t'as João Mario qui est sur un côté alors que c'est un numéro 10, t'as Renato Sanchez sur un autre côté, c'est un 8. T'as Nani devant, c'est pas un buteur. Ronaldo, c'est pas un buteur. Enfin, personne n'est à son poste. C'est bon, là, vous avez Eder. Ça, c'était depuis le début que je réclame Eder en point de fixation, mais il le met pas. Donc, Ah, il est KO, Eder, faut arrêter avec lui. Arrête, va voir ton Gignac, toi, qu'est-ce que tu me caches? Mais non, mais justement, il est KO, il est aussi bon que moi, ce Eder, faut arrêter. Arrêtez-toi. Oh, non. Voilà pour la finale, du coup, quelqu'un un dernier mot? Profitez, tu voulais parler de Sativa, Ferdi? Ah non, je dirais rien. Pas sur la bande. Non, on nous a volé notre euro, c'est tout. C'est tout ce que mais rien du tout. Ah, je pense que c'est la France qui a perdu sa finale tout seul. C'est une grosse cacate de la France, ça s'arrête là. Ah, c'était à la maison quand même, c'est dommage. Mais bon, le Portugal a vécu ça, donc. Je m'en fous, moi j'ai vécu la vraie finale contre l'Allemagne. C'était une belle victoire. Mais d'ailleurs, je pense qu'on a trop surfé sur cette victoire et on n'a pas pris cette finale assez au sérieux. Mais bon, voilà, des regrets, hein. Au moins on aura appris. On va passer au bilan de la compétition avec tout d'abord votre équipe surprise. Alors, Ferdi, Le Portugal. Le Portugal qui termine troisième de son groupe, qui gagne pas un match avant la demi, je crois. Enfin voilà, c'est. Puis je pense qu'on les attendait pas jusqu'ici. Hein. Enfin, moi c'était pas parmi mes favoris quoi de l'Euro. J'aurais pu dire l'Islande, mais bon, leur jeu m'a pas assez. Plus on joue avec leurs armes, mais bon, ils font un beau parcours. Après il y a les Pays de Galles aussi, mais pour moi c'est pas vraiment une surprise parce que je les attendais au moins jusqu'en quart. Voilà, non, pour moi la vraie équipe surprise c'est le Portugal champion d'Europe. D'accord. Guigui, ton équipe surprise ? Oui. Comme Ferdi. Le Portugal, parce que sincèrement, avec ce qu'on a fait en phase de groupe, je ne nous voyais pas là où on est arrivé. Je le répétais d'ailleurs assez souvent qu'on allait se rétamer complètement en huitième contre la Croatie. Au final, c'est passé, mais avec un poil de cul. Après, je ne nous voyais pas non plus passer contre la Pologne. C'est passé. Enfin, Ça a été compliqué, ouais, c'est vraiment la surprise parce que vu ce qu'on fait en phase de groupe, pour moi, on partait dès les huitièmes, quoi. Ok. Max, ton équipe surprise. Le pays de Galles. Parce que franchement, au début, alors après, effectivement, ce qu'ils ont fait en poule, on pouvait les attendre au moins en quart, mais franchement, là, les compétitions, tu me dis qu'ils font demi, j'y crois pas du tout, quoi. J'y crois pas une seconde, quoi. Et surtout, ce qui m'a plu dans cette équipe, c'est que ok, ils ont un grand joueur avec Bale, mais c'est surtout, enfin, le Bale se met vraiment au service du collectif, quoi, et ça marche énormément, et franchement, je pense que c'est ouais vraiment une surprise et je pense que pour les années à venir ça peut être ils vont pas gagner un trophée faut pas déconner mais je pense que ça peut être une équipe chiante à jouer pour les prochaines compétitions quoi. Ah ouais, moi je les vois pas forcément revenir aussi haut. Je pense qu'ils ont surfé un peu sur la vague un peu mais ouais je les vois pas forcément s'inviter à la Coupe du Monde par exemple. Et... Bah écoute, peut-être que je les sous-estime. Ouais. J'avais vu leur groupe pour l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Ils ont un groupe franchement abordable quoi. Scap, ton équipe surprise. Ah, le Pays de Galles aussi, hein. Ils m'ont impressionné, leur jeu collectif était vraiment, j'ai vraiment adoré. Et, ils ont une sacrée génération. Après, ouais, par contre, là, je suis plutôt d'accord avec toi, Steven, c'est que je pense que c'est un coup d'éclat et pour la suite, ça fera pas grand chose, mais j'ai vraiment adoré leur jeu et le geste de Robson Kanou contre la Belgique, j'ai adoré. Voilà, c'est tout. Franchement, j'ai leur groupe là, les qualifs pour la Coupe du Monde, c'est Géorgie, Autriche, Moldavie, Serbie, Irlande. Ouais, mais après ils peuvent se qualifier, mais faire une belle compétition, un beau mondial, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Faire une demi-finale là, comme ils ont fait là, je trouve que c'est vraiment déjà très beau. T'aimes pas une demi, mais je pense que ça peut être. Ils gagneront pas. Je veux pas dire qu'ils gagneront la Coupe du Monde non plus, mais je pense qu'ils peuvent faire comme une belle compétition quand même. Alors de mon côté, bah j'avais noté le Pays de Galles aussi. C'est pas forcément le parcours après les huitièmes, même si le match contre la Belgique a été vraiment remarquable. C'est le fait déjà qu'ils sortent premier du groupe, ça a été une surprise pour moi. Les Anglais d'ailleurs pourraient être parmi les déceptions, mais ouais, je trouve qu'ils ont vraiment fait un tournoi solide. Voilà, comme je l'ai dit, je les vois pas forcément reproduire ça sur la durée. Mais ouais, c'est beau tournoi, surprise, belle demi-finale. Bon, ils sortent avec les honneurs contre le Portugal. On passe aux déceptions. Ferdi, ta déception de l'Euro. L'Angleterre. Comme chaque compétition, on annonce l'Angleterre comme l'un des favoris. D'ailleurs, il y a pas mal de monde, je crois, sur le forum qui a dit, qui a mis une pièce sur eux. Comme d'habitude, voilà, je l'avais dit, j'en parlais à Guigui d'ailleurs au début de la compétition, lors du match contre la Russie. Je disais que, enfin, pour moi, ils devaient même pas passer les groupes, quoi. Ils avaient aucun jeu. Enfin, c'est vraiment pas beau à voir. Et avec la moitié de l'équipe de Tottenham, tu peux pas aller loin dans une compétition. Quoi. Pour moi, les cracks anglais, enfin voilà, ils ont vraiment craqué complètement. On verra bien. Ils ont une équipe jeune quand même, je crois, non? La plupart, ils sont pas très très vieux. Je crois que c'est l'équipe la plus jeune de la compétition d'ailleurs, au niveau de la moyenne d'âge. Voilà, donc ils ont de l'avenir devant eux, mais bon, c'est pas en montrant ce qu'ils ont montré à l'Euro que je mettrai une pièce sur eux. Très bien. Guigui, ta déception de l'Euro. Voilà, la même chose que Ferdi, hein, de toute façon, on va pas. Je crois que ça va être pour tout le monde pareil. Hein, l'Angleterre a vraiment fait une compétition dégueulasse. J'ai vu le match contre la Russie, c'était faible. Mais qu'est-ce que c'était faible? Contre l'Islande, c'est pareil, ça jouait n'importe comment, il n'y avait aucune cohésion d'équipe, ça attaquait à tout va, sans plan de jeu, sans rien, c'était qui aura la balle, ira et puis tirera, et puis on verra ce qui arrivera. Enfin, non, ouais, c'est vraiment une déception au vu des joueurs qu'ils ont, je pense. Ils ont pas mal de bons joueurs, ils pourraient faire beaucoup mieux, à voir s'ils se rattrapent en 2018, puisqu'ils ont quand même une belle génération aussi, mine de rien. Si on prend les joueurs individuellement, ça fait de bons petits joueurs. À voir. Mais pour cet euro-là, c'est ma déception, en tout cas. Très bien. Max, ta déception? Ouais, j'aurais pu dire l'Angleterre aussi, mais je vais dire la Belgique, quoi. Parce que eux, c'est tous les ans, pareil, on les annonce, voilà, ça va être l'épouvantail de la compétition, ils vont exploser tout le monde, c'est les grands favoris pour gagner la compétition, et à chaque fois, ils se ramassent, et cette année, c'est pareil. Il n'y a pas du tout d'équipe, c'est pareil, sur le papier, tu prends les joueurs, il y a quand même des bons joueurs, quoi. Mais collectivement, c'est nul à chier, franchement, c'est, contre le Pays de Galles, ils ont été, mais alors, dégueulasse, ils mènent 1-0 et derrière ils font plus rien. C'est non, franchement, moi cette équipe là, et j'ai beaucoup de mal à croire que sur les prochaines années ils vont faire quelque chose parce que le sélectionneur est toujours pas parti. Et franchement, J'ai peur que si Wilmot continue, ça fasse pareil à chaque fois. Quoi. Ok, escape. Moi, c'est la Croatie. J'aime beaucoup l'équipe. Vraiment, c'est un des milieux. Enfin, j'adore le milieu de terrain, même l'attaque. Enfin, j'aime bien l'attaque. Les latéraux, ça va, mais enfin, je sais pas, j'en attendais beaucoup, surtout après le premier tour. Et ils ont réussi à taper l'Espagne avec un effectif, avec une équipe B. Donc, j'en attendais vraiment quelque chose de plus sur la. Sur la sans la fin, sans le tableau qu'ils avaient en plus, qui était carrément ouvert, mais se faire sortir comme ça, ou je sais pas, ils ont totalement déjoué contre le Portugal et ça m'a déçu pour eux. C'est vraiment ma plus grosse déception sur ce tournoi. Moi c'était pareil, j'avais noté la Croatie, comme toi, le premier tour était plutôt encourageant, même un match contre l'Espagne avec une victoire inattendue, et ils se cassent les dents contre le Portugal comme tout le monde après. Ouais ben, j'avais pas trop la hype avant, mais en fait le fait de voir tout le monde confiant, le fait de voir le premier tour maîtrisé, je me dis ouais ils vont faire une bonne demi-finale assurée, et non ils se sont cassés les dents. Ouais du coup décevant parce que il y avait moyen de faire mieux, même d'aller en finale je pense. Ah ouais, clairement, ouais. On passe au match du tournoi, Ferdi. Portugal-Hongrie, j'ai bien aimé, ça partait dans tous les sens. Il y a eu 3-3, ça a marqué. Il y a la Hongrie qui marque, le Portugal qui égalise dans les 2 minutes qui suivent. C'est vraiment le match qui m'a marqué parce que sinon, c'était vraiment une compétition assez décevante dans l'ensemble. Donc, il y a eu le petit coup de chauvinisme avec le France Islande, mais bon, on va dire qu'on s'y attendait un peu, donc je vais pas mettre celui-là. Surtout que en plus le Portugal sur ce match, s'ils perdent, ils sont disqualifiés, il me semble. Ouais, ils avaient Donc besoin d'un départ. voilà, donc non, c'était vraiment un beau match et tu voyais que ils ont tout fait pour pas se faire sortir quoi. Donc voilà, c'est pour moi le match du tournoi. Surtout qu'il fait la différence vu que le Portugal gagne l'Euro juste après. Ouais, ils se sont fait peur parce qu'ils se retrouvent menés 3-2, je crois, à un moment. Ouais. Ben, je crois qu'ils sont menés 3 fois dans le match, non? On est mené à chaque fois, ouais, on est en Ouais. revenu au Ah ouais, score à quand même, chaque fois. carrément, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment. Ils sont allés au bout de leur trip et ça a fonctionné jusqu'au bout. Ils peuvent dire merci à l'Islandais qui marque le but dans les arrêts de jeu, sinon ils étaient de l'autre côté du tableau. Ouais, c'est vrai. Oh, on s'est tapé qui? On s'est tapé l'Angleterre, non? Ouais. Ça aurait pu passer, hein. Oh, mais après, Il y il y a a aussi toujours. le fait que Ronaldo il rate un penalty, non? S'il le met, ça change tout aussi au niveau du tableau. Ouais, Non, je c'était sais pas plus. contre la Hongrie, c'était contre la Autriche, ça. Ouais, non, mais justement, si vous avez plus de points, du coup, vous passez dans Oui, l'autre c'est partie du groupe. ça, Ouais. Oh, vous avez eu du cul jusqu'au bout, en fait. C'est impressionnant, ouais. Ah, c'était leur trompette, hein. non? Ouais. Guigui, ton match du tournoi? Ah, pour moi, ça va être la finale, hein, de toute Ah, je crois que ça Voilà, va la couper victoire. pour Guigui, La finale avec la victoire au bout, quoi, c'est tout, hein. Après, il n'y a pas vraiment masse qui m'aura marqué plus que ça. Ouais, la Hongrie, c'était assez fou comme match, mais dans le jeu déployé par notre équipe, c'était nul à chier, quoi. Surtout en défense, quoi, c'était n'importe quoi. Donc ouais, la finale pour moi pour la victoire, quoi. Très bien. Bon, on partage pas trop ton avis, mais on va l'accepter. Max, ton match du tournoi. Alors moi j'ai bien aimé le quart de finale entre l'Allemagne et l'Italie. On a vu vraiment enfin de belles équipes en plus. Enfin tu as l'Allemagne qui gagne, qui pense être qualifiée. Derrière voilà il y a Boateng qui fait sa connerie. Voilà l'Italie qui égalise et tout. La tension dans les prolongations, les tirs au but et tout. Franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce match quoi. Très bien. Scap. Je vais faire mon chieur, j'en ai deux, j'ai Italie-Espagne et Pays de Galles, Belgique. Enfin, on va commencer avec Italie-Espagne parce que franchement, la façon là, c'est vraiment enfin, la tactique de Conte et des Italiens qui a vraiment fait totalement déjouer les Espagnols. Et j'ai vraiment adoré, moi qui aime bien le jeu italien, donc j'ai vraiment adoré ça. Et puis que ça parte sur un but de Chiellini en plus. Et le contre à la fin il est magnifique. Et puis voilà, c'était tellement beau. Après, c'est pareil sur le Pays de Galles-Belgique. Quand la Belgique a ouvert le score, je me suis dit, enfin, je pensais pas que le Pays de Galles aurait les ressources de revenir. Et finalement, avec 1 à la mi-temps, après derrière, ils ont totalement bouffé. Je pense qu'ils sont aussi bien aidés par l'entrée de merde de Fellaini. le manque, voilà, de Fellaini. Ah, quelle horreur. En 10 en plus, quelle idée. Et puis donc voilà, après même le but de Robson Kanou, la tête décroisée de Fox, enfin voilà, c'est vraiment les deux matchs qui m'ont fait les deux matchs qui m'ont fait vibrer pendant cet Euro, et je dirais même les deux seuls, quoi, parce que même après, bon, après hormis les matchs de l'équipe de France, surtout la finale, à part ça, il y a pas eu de grandes émotions. C'est vrai que le Portugal Hongrie il était sympa, mais c'était trop ouvert pour moi. Quand il y a trop de buts comme ça, que les défenses sont inexistantes, c'est beau pour le spectacle offensif, mais tactiquement, il y a quelque chose qui me manque. Alors, tu m'as encore piqué ce que j'avais noté. Moi, c'était Italie-Espagne. C'était pas forcément le match le plus fou en termes d'occasion, de tir, mais c'est une vraie opposition de style avec une maîtrise italienne absolument parfaite. Même s'il y a eu une grosse occasion, je crois, vers la fin du match, avant le 2-0, ouais, avant le deuxième but Oui. italien, c'était tendu, mais c'était un beau match justement avec une grosse tension et c'est un de ceux qui m'a le plus marqué. Le Portugal-Hongrie, j'avais pas bien vu, je crois, parce que j'étais en train de faire un bouffé, donc forcément, tu vis pas les choses pareil. Mais celui-là, j'ai vraiment bien apprécié et pour moi, c'est un de mes coups de cœur justement par rapport à l'Italie, plus que leur match contre l'Allemagne. C'est ce match contre l'Espagne qui a été très beau pour moi. Et on passe du coup à votre meilleur joueur, le MVP de la compétition, Ferdi. Ouf. On est original ou on n'est pas original? Parce que si je suis pas dans l'originalité, je dirais Griezmann. Et si je suis dans l'originalité, je dirais Griezmann quand même, parce qu'il fait une compétition de fou. Donc pour moi, il n'y a pas de question à voir, c'est lui de très loin. Même si j'ai bien aimé aussi Koscielny, mais bon, vu que c'est un défenseur, personne y fait attention. Mais Griezmann, il fait la différence à partir du deuxième match, quoi, ou du troisième match. Donc, pour moi, il fait une compétition digne des plus grands joueurs qui sont passés en équipe de France. Donc voilà, moi, c'est à lui que je donnerai le trophée. Très bien, Guigui. Je sens que ça va pas être Griezmann. Non, ça va pas être Griezmann, loin de là. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je dirais Pépé, moi. Arrête, arrête, arrête, tu te vois déjà venir, toi, là-bas, Voilà. là. Non, Pépé a quand même monté en puissance, il a quand même mené à bout de bras la défense portugaise. Il a fait un gros euro, selon moi. Puis voilà, quoi. Bah, j'ai jamais vu aussi bon Pépé d'ailleurs. Ouais, Je voilà, suis ouais, pas tu un l'as dit. grand grand fan. Après, bon, je regarde pas le Real très souvent, mais ouais, il m'a vraiment impressionné. Puis je Et pense même. que si le Portugal va jusqu'en finale, c'est beaucoup beaucoup grâce à lui. Je voulais demander à Guigui, même pas un petit mot sur Renato. Si, je voulais pas citer parce que faut pas non plus abuser. Oui, il est Il jeune encore, mais bon. est encore jeune, il a fait pas mal d'erreurs. D'ailleurs, en D'ailleurs, finale, il a fait. il est jeune, c'est pas 10 encore, hein. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Tu vas te prendre un procès. Non, ouais, il est jeune, puis même en finale, ça se voyait qu'il avait beaucoup de pression, il a raté énormément de choses. On va le laisser mûrir, on va le laisser voir ce qu'il va faire au Bayern. Mais pour moi, Pépé a été très propre durant tout l'Euro, et il a quand même mené à bout de bras cette défense. Il faut noter au début qu'on joue quand même avec Carvalho, alors c'est pas non plus un cadeau. Ouais, il a fait le taf pour moi. Je suis déçu, il n'a pas mis un coup de sabbat quand même. C'est un peu ça. Justement, justement. C'est en ça qu'il a progressé. Même Ça s'il aurait a été mis au beau ça tapis, en finale là. c'est Pogba, je crois, en finale où qu'il met au tapis sur un corner. Non, c'est pas Pogba, c'est Je sais plus. Umtiti, je crois, de mémoire. Je crois que Ah c'est ouais. Umtiti, ouais. C'est Umtiti, ouais. Ouais, là, il a mis plus de puissance là-dessus. Max, ton joueur du tournoi. Bah, je vais pas être original non plus, quoi. Gignac. En Griezmann, enfin je mets Griezmann quoi, clairement. Enfin, il a été énorme quoi. Enfin, c'est quand même sur un euro, c'est quand même le deuxième meilleur buteur. Voilà, seul Platini a fait mieux que lui quand même. Donc voilà, non franchement, il m'a, je l'ai trouvé. Il a été énorme quoi. Franchement, on savait qu'il était bon, mais à ce niveau-là, m'a clairement impressionné quoi. Très bien, Scap. Ouais, bah pareil, je vais pas changer, hein, c'est Griezmann. Hein. Même s'il a fait une mauvaise entame avec le premier match, après il a su très bien répondre. C'est lui qui nous a amené jusqu'à la finale. Après, c'est sûr qu'il était un petit peu à plat pour finir, mais pour moi, c'est vraiment le joueur du tournoi, quoi. Il n'y a pas à chier. Alors moi j'avais rien noté, mais bon, j'étais pas convaincu pour Griezmann parce qu'il a pas fait une compète entière au top niveau. Après c'est vrai, il finit meilleur buteur. Bon, voilà, je vais passer mon tour sur la suite. J'y on est toujours On est inquiet toujours pour inquiet pour Griezmann ou Griezmann pas? ou... L'inquiétude Griezmann, inquiétude. Griezmann. Il Demande à Shakiba. faut demander Sativa. Il s'est bien lâché après le match. Hein. On passe donc à la déception en termes de joueur. Ferdi. Facile, Ibra. Non, ouais, non, mais Ibra, là, il est parti en légende, hein, comme ils disent. King. Ouais. C'est Non, légende franchement, au sens ouais. mystique, il Alors, n'existe t'as pas, vu? quoi. On sait pas s'il était là, si non, c'est. Non, ouais, bah en plus, je vois pas qui d'autre, à part peut-être un Anglais, mais bon, ils ont tellement été tous nuls que je pourrais pas citer un nom en particulier. Ouais, non, pour moi, c'est Ibra numéro uno. Très bien. Guigui? Ouais, les mêmes raisons que Ferdi, hein, ça va être Ibra. On l'attendait tous au tournant avec sa saison au PSG. On se doutait que c'était peut-être la dernière fois qu'il allait jouer avec la Suède. Puis au final, il fait un tournoi médiocre, voire mauvais. Rien à se mettre sous la dent. Il a joué que pour lui. Les matchs que j'ai vus de lui, où il avait la balle, il voulait passer tout seul. Il faisait n'importe quoi, comme au PSG par moment. Puis voilà. Très bien. Max, ta déception. J'en ai deux, moi. Donc, bah, Ibra aussi, parce que le mec se prétend meilleur joueur du monde. Il prétend que la Ligue 1, c'est trop fait pour lui. Et quand tu vois ce qu'il fait à l'Euro, tu te demandes si finalement la Ligue 1 est peut-être pas trop, c'est peut-être pas de son niveau, quoi. Parce que franchement, il a été, mais insupportable pendant toute la compétition. Toujours à jouer pour sa gueule, toujours à vouloir marquer le but et tout. Et voilà. Et je pense que même si la Suède a peut-être pas une équipe de haut niveau, il a clairement pas aidé, quoi. Et après, le deuxième, c'est Harry Kane. Le mec, il est quand même meilleur buteur de première ligue et tout. Tout le monde l'attend comme celui qui va éclater toutes les défenses adverses. Et finalement, il marque un but, je crois, dans tout dans la compétition. Ah, mais c'est Desplou en première ligue aussi en défense. C'est normal. Et voilà, il est clairement pas bon, quoi. C'est beau. Ah ouais, bah, vachement, ouais. Et puis les corners, après, c'est pareil, quoi. Après, ça, c'est des consignes. Vu ce qu'a déclaré le sélectionneur, c'est des consignes, quoi. Et pas de les tirer en sortie de but, je sais pas, quand même. Non, mais quand tu sais que le sélectionneur dit que c'est le meilleur tireur de coup de pied arrêté anglais, ça fait peur, quand même. Hein. Ah, bah, donc voilà, c'est lui aussi, c'est pareil, il a été décevant, quoi. Mais après, je pense que ça, le problème vient plus du sélectionneur pour lui que vraiment de la sélection, quoi. Scap, ta déception. Ah, pour moi c'est Cristiano. Il a raté son euro, mais ok, il met un doublé, je crois, contre la Hongrie. Contre la Hongrie, il met un but en. C'est lui qui marque contre le Pays de Galles. Contre le Pays de Galles, ouais, c'est ça. Mais en dehors de ça, j'ai vu une stat, il a fait plus de 40 frappes, il a mis 3 buts. Parce qu'en 40 frappes cadrées, il a mis 3 buts. Je crois qu'il a mis aussi 3 passes décisives dans tout l'euro. Ouais, mais pour moi vraiment, il a pas été pour moi il y a vraiment une différence entre le Cristiano Real et le Cristiano Portugal, quoi. C'est vraiment, je pense qu'il veut trop prendre le jeu à son compte, j'avais déjà dit, et ça lui cause plus du tort que du bien quand je vois ce qu'il fait contre la Croatie, quand c'est Nani, je crois, qui met un pointu, qui le loupe totalement, ça revient, ouais, comme par hasard sur Cristiano qui doit, à ce moment-là, il doit carrément conclure. Et il n'arrive pas, heureusement pour lui, il y a Quaresma qui arrive derrière qui met la tête là, mais pour moi c'est. Peut-être que j'en attends trop pour le joueur qu'il est, mais il m'a déçu, tout simplement. Je sais pas, il n'a pas été à son niveau habituel pour moi. Très bien, Guigui, un commentaire? Non, mais après, Ronaldo en équipe du Portugal, c'est vrai qu'il veut prendre le jeu à son compte, c'est un peu beaucoup la star de l'équipe. Il n'a pas les mêmes joueurs au Real qu'en sélection, hein, faut aussi se le dire. Hein. Modric qui lui donne des passes, et puis même en attaque, Benzema, Bale, ça a quand même plus de pâté que joueur Mario et puis Nani, quand même. Hein. Ouais, c'est sûr, mais il y a quand même, au Real, même s'il veut, il a la même mentalité au Real, il veut toujours prendre le jeu à son compte, mais je sais pas, il arrive à être quand même un peu plus, un peu plus décisif, on va dire. Il conclut mieux ses actions. Tu vois, par exemple, la tête qu'il met en demi, ouais, là, ça m'a rappelé le Cristiano du Real. C'est alors que avant, il a loupé des têtes super faciles, des trucs comme ça, où il est tout seul dans les 6 mètres sur des corners. Il n'arrive pas à la cadrer. Pour moi, c'était pas normal. C'est en ça que je dis qu'il a raté son, enfin, raté, qu'il est la déception en moi, enfin, ma déception en joueur sur ouais, cet euro. Son niveau était en deçà de ce qu'on attendait. Ça, c'est clair et net. Maintenant, il a quand même une saison assez longue. Oui. Je pense que ça a quand même pesé sur son niveau de jeu, même s'il dit qu'il était en forme, je pense qu'il était quand même bien, bien fatigué. Oh bah c'est sûr, ouais. Il fait un euro après une saison complète, oui. Ouais. Alors niveau déception, bon, je ne l'ai pas noté, mais Ferdi notait sur le chat un Espagnol, c'est vrai qu'on aurait pu citer un Espagnol. Qui vous voyez-vous en Espagne parmi les grosses déceptions? Vas-y Ferdi. Hein. Bah justement, je pose la question, mais je sais pas, Morata, Piqué... Mais Et ouais, Iniesta qui a eu du mal aussi par rapport à son niveau, quoi, ce qu'il est capable de faire. Mais il a fait un bon début, non, d'Euro quand même, les deux premiers Oui, matchs. ouais. Je Pas trouve mal, qu'il ouais. était bon, ouais. Puis, mais c'est surtout ça, c'est surtout que ça reposait surtout sur lui, et dès qu'il s'est éteint, l'équipe savait plus quoi faire, quoi. Mais ouais, pour moi, Morata, par exemple, m'a pas du tout impressionné sur cet Euro. Calme-toi, calme-toi. 4 matchs, 3 buts, calme-toi tout de suite. Je te le dis tout de Non, mais suite. après, faut voir les buts, quoi. Enfin, pour moi, il a pas pesé. Enfin, c'est pareil que Harry Kane, quoi. Le mec, c'est soi-disant un des meilleurs Aïe. attaquants, et au final. Ah mais après c'est pas son c'est pas l'Espagne jouait encore avec le tiki-taka et lui c'est pas un joueur de tiki-taka donc c'est normal qu'il ouais, tu peux pas mettre un attaquant enfin ils ont pris aucun joueur enfin aucun attaquant pur qui pouvait s'inscrire dans le tiki-taka donc forcément Plus non, comment? ils en ont plus non. Bah après c'est forcément c'est faire jouer un joueur comme bah au Barça un joueur du profil de Luis Suarez et il n'y en a pas quoi clairement il n'y en a Bah plus. non, enfin quand tu vois les attaquants de l'Espagne, c'est Aduriz, Morata, Nolito et Pedro, enfin les mecs. Oublie Si. Lucas Vasquez. Ah oui aussi, c'est vrai, j'ai oublié. Mais voilà, après moi. Au niveau espagnol, ce qui est pour moi la déception, c'est leur jeu à la baballe, quoi. C'est clairement, c'est ça, quoi. C'est vraiment un ensemble, leur jeu vraiment qui ne marche plus, quoi. C'est un jeu de merde en plus, putain, on s'emmerde devant leur match, Mais ça toi, passe la balle à gauche, à t'oses dire droite. des trucs comme ça. T'as vu l'Euro que tu viens de faire et t'oses dire que tu prends des matchs de Mais merde. Hein. on est Attends. champion ou pas au final? Non, mais attends, mais c'est. Oh là là. On va passer à l'équipe type, on va faire poste par poste. Chacun va citer son gardien pour commencer. Donc, Ferdi, qui avais-tu en gardien? Moi j'ai mis Lloris. Comme par hasard. Ben non, mais il fait un euro de fou, faut arrêter. À part pour moi, le but de Eder, pour moi, il doit l'arrêter. Enfin, il la voit arriver de très très loin, elle est pas super bien placée. Enfin, mais sinon, c'est lui qui nous envoie en demi, c'est lui qui a fait des parades plutôt essentielles tout au long de la compétition. Donc pour moi, il mérite amplement sa place. Guigui, bon, Pour après moi, ben. Patricio, je vais noter. Patricio, voilà. Non, Début Patricio. difficile quand même, non? Son tournoi, je crois qu'il était un petit peu Ouais, critiqué, mais. difficile. Après, Après, c'est vrai intraitable. qu'il Hein. est sorti des parades assez monstrueuses. Il y a eu les frappes de Bale qui étaient assez énormes, où il fait des parades où il faut quand même les sortir parce que les frappes arrivent assez fortes. Il y a eu contre la Pologne où il sort le tir au but qui nous envoie en d'ailleurs, c'était en quoi? C'était en quart, donc en demi. Et puis il y a eu la finale où il a quand même arrêté. Deux grosses occasions pour la France, et s'il n'est pas là, je pense qu'on pourrait dire au revoir à l'Euro, quoi. Très bien, Max. Moi j'ai mis Lloris aussi, parce que clairement il fait une compétition de fou. Après sur la frappe d'Eder, Ferdi, ouais, je trouve un peu dur, il est pas si loin que ça, hein, finalement, quand tu revois l'action, il est pas si loin. Voilà, bon, mais sinon, enfin c'est lui qui nous contre l'Irlande, il nous sort un match de malade. Contre l'Allemagne, il a été énorme aussi, enfin voilà, donc. Et puis même en finale, il a aussi sorti quelques arrêts bien sentis aussi. Donc voilà, franchement, il a été énorme, quoi, clairement. Très bien. Scap. Alors non, Ferdi, je vais pas dire Buffon, je me rattraperai auprès de Guigui, je vais dire Rui Patricio, tout simplement parce que c'est lui qui fait gagner l'Euro à son équipe. C'est vrai qu'il n'a pas fait un grand début de tournoi, mais après, à partir des phases d'élimination directe, il a été énorme. Et comme disait Guigui tout à l'heure, il sort deux parades magnifiques en finale, il fait passer son équipe en finale. Et là, pour moi, la différence, ça se joue entre, enfin voilà, c'est la différence pour le meilleur gardien, c'est Lloris ou Patricio. Et la différence, c'est qu'il y en a un qui a sorti les arrêts qu'il faut, et l'autre, il n'est pas sorti assez, enfin, il s'est pas avancé suffisamment pour sortir la frappe d'Eder. Tu fais gagner ton euro, donc pour moi, c'est le meilleur gardien. D'accord. Moi, j'avais quand même envie de dire Buffon. Pourtant, je suis pas un méga méga fan de l'Italie, mais j'ai trouvé pour son âge et tout fantastique. Bon, sauf la séance des tirs au but où on sent que il manque un peu de réflexe et de détente, on va dire. Mais non, il a été génial. Mais c'est vrai Il que part quand Rui même à chaque fois Patricio. du bon côté, hein. C'est ça qui est hallucinant. Il est un peu court, Un quoi. peu C'est court, dommage. quoi. C'est dommage. C'est Mais surtout de d'ailleurs, réflexe. le dernier péno, il passe juste en dessous, non, de lui? Oui, c'est ça, Ça, ouais, c'est ça. ouais. Ouais. Ça doit être dur, ça. Il baisse pas sa Baisse main pas assez sa main assez vite. vite. On va passer au défenseur du coup, Ferdi. Je dis les 4. Ouais, vas-y, vas-y. Alors, ben moi j'ai joué avec deux défenseurs gauche parce que il n'y a pas de défenseurs droit qui m'ont marqué. Donc à gauche je mets Guerrero, après au centre Koscielny, Bonucci et à droite je mets Hector. Faut que j'explique mes choix ou En voilà. bon, Non, deux deux mots mots, ou c'était pas ouais. obligé. Hein. Moi, j'ai pas mis Boateng parce que je trouve quand même. Je dis pas qu'il fait un mauvais euro, mais pour moi, Bonucci et Koscielny ont été largement au-dessus. Hector, c'est la bonne surprise. Et Guerrero qui continue sa montée et qui a été un des meilleurs Portugais, je pense, sur toute la compétition. Très bien, Guigui. À gauche, Guerrero. Au centre, ce sera Pepe et Bonucci. Et à droite, Hector. Voilà. Ouais, même raison à peu près. Bon, ouais, même raison. Tu rajoutais Pepe, mais il était déjà dans tes meilleurs joueurs. Voilà, Bonucci a été très très propre, je trouve. Guerrero est monté en puissance et il continue. J'espère qu'il continuera comme ça. Et puis Hector a été pour moi le meilleur arrière-droit de cet Euro. Il n'y a pas eu trop de concurrence. Ouais, c'est vrai que c'est un poste où on a du mal souvent à avoir des joueurs qui se détachent. Scap, non Max, pardon. Alors moi j'ai mis Guerrero à gauche aussi, voilà, pour les mêmes raisons. Il a été, enfin, franchement, je pense que avec ce joueur, le Portugal tient franchement un excellent arrière-gauche. Ensuite dans l'axe j'ai mis Koscielny, Bonucci, parce que pour moi c'est vraiment les deux meilleurs défenseurs de l'Euro. Et par contre à droite, moi j'ai pas mis Hector, j'ai mis Walker, l'anglais, parce que franchement dans le marasme anglais et tout, c'est pour moi celui qui a été le meilleur et il a vraiment été très fort, il fait de très bonnes montées au niveau des centres, il a été toujours été très bon et voilà, donc voilà. Très bien, Scap. Guerrero à gauche comme tout le monde, hein, il était vraiment énorme. Et d'ailleurs, si Cristiano pouvait lui laisser tirer les coups francs, ça serait oui, ça serait je bien confirme. Profitable. Je confirme. Et à côté, moi je mets une défense à 3, je mets Bonucci, Barzagli, Chiellini. Oh là là là là là. Oui, vous je sais. Où est passé l'objectivité? Nulle part. Non, voilà, après c'est la défense que j'ai l'habitude de supporter toute l'année et je les ai toujours trouvés aussi bons à l'Euro et surtout Bonucci, même les ouvertures qu'il arrivait à faire pour Giaccherini qui partait dans le dos des défenses. Enfin, voilà, c'est vraiment Bonucci l'homme de base quoi, pour moi. Et les trois jouent à la Juve, c'est ça? Ouais, les trois, ouais. Ah ouais, c'est vrai que ça, pour la sélection, c'est nickel. Bah, t'avais Buffon qui joue à la Juve derrière, en plus. Ouais. Au niveau des milieux, pardon, Ferdi, t'as qui? Moi, je pars sur un 4-4-2 à plat. Donc, à gauche, j'ai mis Ozil. Au centre, Ramsey, Renato Sanchez. Et à droite, j'ai mis Sissoko. Ok, rien à préciser. Bah, Ramsey, c'est lui qui tient un peu toute son équipe. Renato, 18 ou 19 ans, je crois. Pareil, il tient son équipe au milieu de terrain. Ozil, pour moi, c'était un des meilleurs Allemands, même sur sa demi contre la France. Et puis Sissoko, c'est la bonne surprise de l'Euro. C'était sûrement l'un des plus critiqués, je pense, de la liste de Deschamps. Mais au final, ça a été un des meilleurs sur la compète. Donc, bravo à lui. Guigui. Moi je vais dire Renato, Ramsey, après c'est un peu le vide. Ouais, Renato, Ramsey, et puis ouais, je vais partir sur un 4-2 et puis 4 attaquants. Je vais faire un peu le fou. Max, est-ce que t'as d'autres milieux Moi je suis parti sur un 4-2-3-1, donc les deux j'ai mis Renato Sanchez et Kroos. Et devant, je suis les trois milieux offensifs, je suis parti sur Griezmann, Ramsey et Payet. J'ai hésité entre Payet et Sissoko, franchement, j'ai hésité entre les deux. Mais j'ai mis Payet parce que sur le début du tournoi, c'est un peu grâce à lui si finalement on passe les poules. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai mis Payet. Très bien. Scap, t'avais qui aussi au milieu? Alors, à gauche, j'ai mis Perisic. Au centre, Kroos et Sanchez. Et à droite, Sissoko. Bon, Sissoko, hein, il a vraiment été excellent depuis qu'on a fait les phases d'élimination directe. Et puis. Renato, moi, c'est vraiment un joueur que j'ai découvert et que j'adore. Quoi. Il est porté vers l'avant, c'est suffisamment technique, suffisamment collectif aussi. Donc, c'est vraiment le truc que j'adore. Kroos aussi, il a fait un excellent euro. Dommage pour les Allemands que Kedira se blesse. Sinon, on aurait eu beaucoup plus de mal à passer, je pense. Et puis Perisic à gauche, moi, j'adore. Il déborde bien, il centre, il est bon en centre, il est bon en frappe. Il y a une belle coupe de cheveux aussi. De merde, là, ça c'est sûr. Celle-là et celle de Quaresma en finale, c'était vraiment le top du top. Ouais, ah, tu m'étonnes. Guigui, tu avais d'autres milieux offensifs, je crois, à noter. Sur un milieu offensif gauche, je vais mettre Bale pour moi. Et un milieu offensif droit, je vais mettre Ozil. Ok. Voilà, et on attaque du coup Ferdi. Moi, mes deux attaquants, c'est simple, c'est Bale et Griezmann. Il n'y a pas de. Bale, c'est lui qui emmène son équipe jusqu'en demi, et Griezmann, c'est le meilleur joueur du tournoi. Donc, voilà. Guigui. Griezmann et Ronaldo. Ok, Max. Moi, j'ai mis Bale. Bale, ok. Et Escap? Dans l'originalité, j'ai mis Bale et Griezmann. Ok. Donc, ouais, pas d'autres noms qui sortent du lot d'après en vous. En attaque, non, il n'y a pas eu grand chose, hein, mine plus de grand rien. Chose, ouais. Il y a Pelé qui a fait quelques bons matchs pour l'Italie, mais après, c'est un peu juste pour être dans l'équipe type, quand même. Et il a mis deux buts, dont un but tout seul avec la cage ouverte, ça va. Non, ouais, pour moi, ce qui t'a choisi entre Pelé, j'aurais mis Robson Cano. Enfin... Oui, ouais, ouais. Voilà, ouais, voilà, par exemple. D'ailleurs, il a pas de club, non, si... il me semble bien, non. Depuis ouais, il est sans contrat. Voilà. Sans contrat, ouais. Ouais, je me fais pas de soucis pour lui. Clairement. Bon, après, ça vaut pas un Steven Fletcher, mais. voilà, du coup, pour les Eobards, est-ce que vous avez un dernier mot sur Laurent en général, quelque chose qui vous a marqué, une belle image que vous retenez? On est champion. Bah, j'ai envie de dire le public, ouais, notamment le public islandais ou nord-irlandais, ils ont toujours été là, vraiment. Voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est une bonne, enfin voilà, c'est une bonne chance. On savait pas trop à quoi ça, enfin voilà, on savait pas trop si le mec allait suivre et tout. Et ils ont été énormes, quoi. Notamment les Islandais, avec en plus le président islandais qui préfère aller dans le public qu'en tribune présidentielle et tout. Donc c'est... Sinon, les ouais, temps, puis, ouais, c'est rafraîchissant un peu quand même d'avoir des gens qui chantent. Fin, moi, j'ai pas trop l'habitude des matchs internationaux, mais j'ai pas l'habitude d'avoir autant d'ambiance dans un stade avec des équipes internationales, quoi. Donc pour moi, ça change et c'est un bon petit coup de fraîcheur. Bah, surtout le stade Vélodrome, quoi, a été pour la demi contre l'Allemagne, une ambiance de fou, quoi. Ça, je peux te le confirmer. C'est grâce à Ferdi, ça. J'étais au milieu des Allemands, hein, t'en compte. J'étais au milieu des Allemands. Le mec derrière moi, il doit encore me haïr. Bah, moi, sinon, j'avais noté les pelouses qui étaient vraiment à chier. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est une horreur. Si tu veux, c'est tout. Fin, si tu regardes la Ligue 1, toutes les saisons, c'est la même chose. Hein. Les pelouses sont dégueulasses. Hein. Donc ça allait pas changer. Après, été, en général, ça peut aller, quoi. Mais. Mais après, le problème, je trouve, en France, comparé, enfin, notamment en Angleterre, c'est que les pelouses, on les protège pas du tout, quoi. C'est, si tu veux, en plein été, tu peux avoir un concert de Madonna ou de je sais pas qui sur la pelouse, machin, qui défonce la pelouse, et puis voilà, quoi. C'est ça, la pelouse de Madonna est bien défoncée. Hein, mais... Ben voilà, en tout cas pour 7 euros. Bon, ça n'a pas été le rôle le plus fantastique en termes de jeu, quand même. Bon, ce qu'on peut non. dire, mais non, bon, vous en retiendrez des bonnes choses malgré la défaite pour nous. Et... Ouais, si, il y a quand même une chose énorme, c'est que le joueur star de l'Euro n'a pas joué une seule seconde. Oui, aussi. Will Griggs. Will Griggs, elle n'a pas joué une seule seconde. Une seule seconde, et le mec, c'est la star de l'Euro, quand même, c'est balèze. Hein. On a entendu que sa chanson partout, c'était. Voilà quoi, et le mec, il a pas joué du tout une seconde, quoi. Bah, c'était peut-être mieux pour préserver sa légende. Donc. Voilà, peut-être, ouais. Bah, voilà, en tout cas, on peut conclure. Merci à vous tous d'avoir participé, tous ceux qui ont participé. Alors, j'ai pas la liste complète, mais c'est vrai qu'on a eu Oshi, on a eu Matt, Potaval, ouais, Val, le Portugal d'ailleurs. Il doit être content, il y a eu Sativa, il y a eu Queen, je crois, au début. Bref, merci à tous, merci à ceux qui ont écouté, parfois qui ont commenté aussi sur le forum. Et on reprendra le rythme des podcasts mensuels et thématiques dans les prochaines semaines. Bah, merci à vous quatre d'être venus, en tout cas. Puis bah, salut tout le monde. Salut. Bisous, pote à Val. Bisous, Val. Il fallait que je lui rende, l'autre fois, il me l'a donné. J'ai oublié.